le vent à plein voile, toujours aller d'une île à l'autre, s'envoler loin dans les nuages, chercher de planète en planète le véritable envers de tout, la clé du grand coffre à secret, la magie d'un rire d'enfant, et tous les pourquoi des comment. Dans le cœur du soleil, oublier cet habit de boue, ce trop lourd vêtement de peau, au vestibule du visible, jeter sa boussole derrière dans des souvenirs de poussière, regarder bien droit devant soi et brûler toutes les étapes. Et la route, la bûche et le feu qui la mord, découvrir que tout est possible, que vivre c'est réinventer, qu'aimer c'est porter l'incendie, que penser c'est déjà créer, et rire en voyant le soleil, trouver en lui un vieux complice. Repousser l'ennui dans l'oubli, comme un vieux jouet trop usé. Pousser un grand éclat de rire, prendre la vie à bras le corps. Giguer d'une gigue magique qui n'en finit pas de tourner. Devenir un violon en fête, ensorceler les mines tristes. Sèche pour ensuite y mettre le feu, se déshabiller du vieil homme, rire, chanter, danser, sauter, devenir mille pirouettes, être un ouragan balayeur, et mettre l'endroit à l'envers pour que ceux qui dorment s'éveillent. Partir pour la seule aventure.